Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021, il est 14h01, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale pour moi. Pourquoi spéciale, vous me demanderiez? Car aujourd'hui, nous allons parler d'une de mes grandes passions depuis plus de 10 ans maintenant, le catch. Et je reçois par téléphone l'un des deux commentateurs français d'une des deux plus grandes fédérations de catch américain au monde, Alain Mistrangelo, qui est venu du coup nous parler de tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau de la fédération ou autre. Mais cependant, nous verrons que Alain Mistrangelo n'est pas seulement commentateur, mais nous verrons tout ça tout au long de cette heure d'émission. Bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va très bien, très content de te parler. Et bah, plaisir partagé. Donc tout d'abord, je tenais déjà donc, à te remercier Alain d'avoir accepté mon invitation. Ah, je t'en prie, avec plaisir. Pour moi, on a un petit peu discuté hier, mais pour moi, c'est un véritable honneur de te recevoir pour cette émission d'une heure, car comme je le disais, on a déjà eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai du mal, dont un en particulier. Et comme tu le sais, je t'écoute toutes les semaines avec ton collègue Norbert Feuillant, donc je suis tout simplement très heureux de te recevoir. Ah oui, c'est très gentil, mais c'est vrai qu'on sait que tu es un téléspectateur régulier et que tu nous écoutes, et voilà. Norbert aussi le sait. C'est normal que tu bafouilles sur Norbert, hein. Il vient du Nord, lui-même bafouille souvent à l'antenne. D'accord. Donc pour ma première question, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, donc Alain Mistrangelo, comme tu as dit, je commente AEW, une des grosses organisations de catch américaine. En même temps, je m'occupe un peu, je gère les droits d'autres organisations sportives, que ce soit de catch ou de MMA, enfin des choses dans le genre. Et puis, donc je gère les droits, c'est-à-dire que j'essaie de trouver des diffuseurs télévisuels en Europe, en Afrique, pour des organisations sportives américaines la plupart du temps, mais aussi japonaises, comme tu le sais. Voilà. D'accord. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, nous en parlerons plus tard, mais comme je le disais en introduction et comme tu viens de le dire, tu n'es pas seulement commentateur, tu es également titulaire d'un doctorat en sociologie et tu es l'agent de ton collègue commentateur Norbert Feuillant, que l'on salue bien sûr, peut-être qu'il nous écoute ou peut-être pas d'ailleurs. Donc, je crois qu'il a, il nous aurait écouté, mais il a une petite réunion familiale importante, donc je pense qu'il nous écoute pas malheureusement, mais il aurait bien aimé, parce qu'il m'a envoyé pas mal de SMS hier, donc il était assez content que je fasse ton émission. D'accord. De toute façon, je publierai le podcast, donc si tu veux, je pourrais te l'envoyer par mail quand le podcast sera... Ouais, ça lui fera plaisir. Ok, ça va. Plaisir de voir que t'as parlé de lui. Tu connais son ego démesuré. Ouais, c'est vrai. Un petit salut à Norbert. Oui. Donc pour arriver donc pour être doctorant en sociologie, pour être l'agent de Norbert, commentateur, tout ça, quel a été ton parcours, ton cursus scolaire pour en être là où tu en es aujourd'hui? Bah écoute, j'ai eu un bac économique et social. Ensuite, je suis allé faire... j'ai pris une petite année sabbatique d'abord, hein, parce que j'étais jeune, donc je voulais pas tout de suite m'engager dans des études que je savais longues, parce que je voulais aller au bout, donc j'ai fait des études de sociaux. Et bon, si tu fais sociaux, il faut aller au bout, sinon ça sert pas forcément à grand-chose, sans vouloir décrédibiliser mon parcours. Mais voilà, donc il fallait aller au bout, et pour aller au bout, j'avais besoin d'une année sabbatique pour prendre un peu mon élan. Et ensuite, oui, j'ai fait des études de sociologie jusqu'à la thèse, voilà. Ok, d'accord. Oui, car c'est long, un doctorat en sociologie, non? Oui, ça a duré 3 ans après le master. Donc ça m'a fait 8 ans d'études, oui. Ah oui, d'accord, quand même. Donc, comme annoncé en introduction, nous sommes ici pour parler de ton métier de commentateur de catch, d'une des deux plus grandes fédérations, organisations de catch américains au monde, la All Elite Wrestling, ou AEW, les initiales pour All Elite Wrestling, bien sûr, ou pour la prononcer à la française, AEW. Donc, pour faire déjà une petite approche chaque semaine sur la chaîne de télévision Toonami, tu commentes avec Norbert le show hebdomadaire AEW Dynamite, ou pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, AEW Dynamite, à la française. Donc comment s'est passée la prise de contact entre AEW, Toonami et Norbert et toi pour commenter les shows en français? Ah ben, nous, on commentait déjà des gens très impliqués dans AEW, des catcheurs qui sont pas seulement catcheurs, mais qui sont aussi maintenant vice-présidents d'AEW. On les commentait dans d'autres organisations. D'accord. Et dès qu'on a su qu'ils allaient monter une nouvelle organisation américaine, mais qui voulait que ce soit vraiment très très gros, c'est des gens en qui on avait confiance, donc j'ai essayé d'entrer en contact avec eux pour pouvoir les représenter et leur trouver un diffuseur en France. Donc j'ai réussi à entrer en contact, ça n'a pas été évident parce que c'est une grosse structure. Entre temps, ils s'étaient associés avec la famille Khan, donc Tony Khan, qui est le propriétaire d'AEW, qui est aussi propriétaire de Fulham en football en première ligue, donc le championnat anglais, et aussi les Jacksonville Jaguars, donc du football américain aux États-Unis. Donc c'est une grosse famille, c'était une grosse structure qui se met en place, donc ça n'a pas été évident de les contacter, mais j'ai réussi. Ils m'ont fait confiance et ils ont signé aux États-Unis avec le groupe Turner. Donc de mon côté, je me suis dit la bonne idée, ce serait d'aller voir le groupe Turner en France. Toonami fait partie du groupe Turner et essayer de les convaincre de mettre en place le plus rapidement possible une diffusion d'AEW Dynamite. Et ben écoute, j'ai eu de la chance, ils étaient intéressés, ils s'y connaissaient pas trop en catch, mais ils ont été très à l'écoute, ce qui n'est pas toujours le cas quand on va parler à des chaînes de télévision, notamment sur le sujet du catch qui est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont écouté, ils font un super travail depuis, et on a eu la chance de mettre Dynamite très très vite à l'antenne, ça venait de commencer aux États-Unis, et c'est venu en France un mois après. D'accord. Oui, donc comme à l'époque, donc pendant un an, il me semble, les épisodes de Dynamite étaient disponibles sur YouTube. Oui. Et après, du coup, ça a été supprimé entre guillemets de YouTube. Mais en cherchant bien, il y a d'autres moyens de revoir les shows, de voir les shows en VOD, parce que c'est ce que je fais personnellement, tu le sais déjà. Donc voilà. Oui, oui, et puis c'est vrai que Toonami a mis en place, c'était une façon aussi de faire connaître le programme. Je trouve que c'était une bonne idée de mettre gratuitement, une semaine après la diffusion sur leur chaîne de télé, de le mettre sur YouTube gratuitement. Évidemment, ça ne pouvait pas durer, parce que économiquement, ça ne peut pas non plus tenir trop longtemps, on peut les comprendre. Et par contre, ils ont très bien fait les choses. Chez tous les opérateurs, donc si vous ne pouvez pas le voir en direct, c'est chaque mardi à 20h50, mais il y a de la VOD chez tous les opérateurs maintenant, que ce soit, je ne vais pas tous les citer, je ne sais pas si on peut les citer à ton antenne, mais en tout cas tous les opérateurs sur lesquels vous pouvez trouver Toonami, vous aurez une VOD très accessible. Donc il y a Dynamite et on fait aussi, comme tu le sais, les pay-per-view, on en a fait un récemment et qui est aussi trouvable du coup en VOD chez tous les opérateurs de Toonami. Voilà. Oui, le pay-per-view AEW Revolution. Exactement, voilà. Exactement. On est très content de le faire. Comme tu le sais, on le fait en direct pour Fight, qui est un site, on va dire, américain de diffusion en direct. Et c'est rediffusé par la suite sur Toonami. Ok, très bien. Donc, avant de poursuivre cette petite émission, je te propose de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier son que tu as choisi, et que nous écoutions un groupe de hard rock heavy metal que j'aime beaucoup aussi, Fozzy, avec leur morceau datant de 2017 et intitulé Judas, ou Judas à la française. Et nous verrons que cette chanson a un certain lien avec AEW, mais nous en parlerons juste après. Donc, du coup, on écoute Fozzy avec Judas et on se retrouve d'ici environ 4 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Vous venez d'écouter Fozzy avec leur titre très pop, enfin pas pop rock mais hard rock metal, Judas, tiré de leur album éponyme. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Alain Mistrangelo qui est là pour nous parler, entre autres, de son métier de commentateur de catch. Ça va toujours ? Ah, toujours très bien. Ça va bien quand j'écoute Fozzy, tu sais bien. Ah bah ça, oui, on connaît. Enfin, je connais tes goûts et je ne suis pas le seul, je pense. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués désormais. J'aime beaucoup poser cette question à mes invités. Et en plus, nous avons donné un petit indice, entre guillemets, avant la pause musicale. Pourquoi avoir choisi Judas de Fozzy ? Alors, Fozzy est un groupe dont le leader est Chris Jericho. Chris Jericho est une grande légende du catch. Il fait ça depuis très longtemps. Il a fêté ses 30 ans de carrière il y a peu de temps. Et c'est un des fers de lance de All Elite Wrestling, depuis que ça existe, puisqu'il est, il est venu renforcer cette organisation de catch. Et c'est une grande chance pour nous de l'avoir, parce que c'est vraiment un grand monsieur dans le monde du catch. Voilà, d'où ce petit clin d'œil de mettre sa musique, et aussi sa musique d'entrée, hein, puisque les catcheurs ont des musiques d'entrée, ce qui participe quand même au spectacle, c'est toujours sympathique à voir pour ceux qui connaissent pas bien le catch. Donc c'est aussi sa musique d'entrée que reprend le public en chœur, et c'est toujours un grand moment dans nos émissions quand le public reprend Fozzy et Judas en particulier. Voilà. Bien sûr, et comme on peut le voir lors des shows, quand le public reprend donc Judas de Fozzy, on peut voir directement sur le visage justement de Chris Jericho que ça le touche quand même pas mal d'entendre ça. Oui, là on voit bien son sourire. Je pense qu'il y a un mélange de fierté en même temps, comme tu le dis, il est touché de voir le public reprendre en cœur. Alors c'est dommage, il y a moins de public maintenant à cause des restrictions sanitaires. Bien sûr. C'était encore plus beau à l'époque, mais ça reste. Je trouve que ça reste très bien. Ça met souvent quelques frissons d'entendre le public reprendre sa chanson. Bien sûr, oui. Donc je crois savoir que la All Elite Wrestling n'est pas la première fédération de catch que tu commentes, Norbert et toi, enfin que vous commentez Norbert et toi, et que Norbert et toi commentez ou commentiez également une fédération de Puro Wrestling, comme on dit dans le monde du catch, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme. Le Puro Wrestling est le terme utilisé pour désigner le catch masculin japonais. Donc il me semble savoir que Norbert et toi commentez également la célèbre fédération de catch japonais appelée New Japan Pro Wrestling, ou pour faire plus court, NJPW. Exact, oui. Alors en fait, on a commencé fin 2015, début 2016 avec Ring of Honor sur la chaîne L'Équipe. Ring of Honor, c'est une organisation de catch américaine un peu moins mainstream que peut l'être la WWE, qui est donc la grosse organisation de catch avec All Elite Wrestling que nous représentons. Et Norbert lui-même avait déjà commenté avant Dragon Gate, qui est aussi une organisation de catch japonaise, sans moi. Cette fois-ci. Et ensuite, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec New Japan Pro Wrestling, NJPW, comme tu le dis, que je représente à travers l'Europe et l'Afrique notamment. J'ai évidemment choisi de continuer de commenter ça avec Norbert, qui est un grand fan de NJPW depuis de nombreuses années. Donc j'ai pu lui faire ce plaisir de lui faire commenter NJPW. C'est une fierté pour moi. Voilà. Je suis content d'avoir réussi à faire ça. Je sais qu'il y tenait. Donc ouais, c'était très intéressant. Disons que c'est un peu différent des organisations américaines. C'est un peu plus basé sur le sport, NJPW, tandis que le catch américain, il y a beaucoup de storyline, d'histoire qui mêlent un peu divertissement et sport. Donc voilà, c'est un peu différent, on le commande pas de la même manière, et c'est très sympathique pour nous d'avoir ces deux aspects. Bien sûr, et comme je pense que de nos jours c'est plus trop un secret, le catch du coup c'est scénarisé. Je ne vais pas utiliser le mot truqué car j'aime pas ce terme du tout, donc c'est scénarisé, et peut-être que le Puro Wrestling, donc le catch japonais, est moins scénarisé que le catch américain du coup. Ouais, c'est moins scénarisé, effectivement, c'est plus basé sur le sport. Ça reste scénarisé, mais il n'y a pas tout ce qu'il peut y avoir autour du catch américain, qui est un peu plus assez, j'aime pas dire le mot divertissant, mais je pense que j'ai du mal à trouver autre chose, parce qu'on développe des histoires qui sont pas que des histoires sportives, hein. Ça peut ressembler plus à une série télé, tandis que le catch japonais, effectivement, lui, il y a des storylines, il y a des histoires, mais basées que sur le sportif. Donc c'est un peu différent. Et oui, comme à AEW dernièrement, il y a eu également une storyline du coup qui n'est pas, comme tu le dis, basé sur le sport, mais plutôt du côté familial, quand justement Chris Jericho et son Inner Circle ont attaqué le père de Matt et Nick Jackson. C'est ça. Voilà. Effectivement, oui. Ah, vous voyez, hein, il faut vraiment venir regarder All Elite Wrestling, vous voyez tout. Hein. Ah bah les oui. gens qui attaquent les pères des catcheurs, voilà. Il y a des mariages qui se finissent pas très très bien non plus, hein, comme on a vu récemment. Non, ce qu'il faut dire sur All Elite Wrestling par rapport peut-être aux autres organisations, ce qui fait un peu la différence, c'est qu'il y a une plus grande liberté laissée aux catcheurs justement quand ils viennent parler. C'est très frais, il y a beaucoup de jeunesse et donc c'est très, ça change beaucoup. On voit aux États-Unis quand on regarde les audiences, ça parle beaucoup à la tranche d'âge 18-49. Tu la connais un petit peu, toi qui es le FM God. Tu sais que Chris Jericho se nomme le Demo God parce que la démographie des 18-49 est celle qui intéresse le plus les publicitaires. Et on voit donc que dans le domaine du catch, All Elite Wrestling a beaucoup de beaucoup d'impact sur la jeunesse et jusqu'à voilà 18-49, un peu moins chez les gens de plus de 50 ans qui sont un peu moins sensibles à All Elite Wrestling, mais ça va venir, je pense. Il y a pas de raison. En tout cas, voilà, c'est très frais, c'est très jeune et c'est vraiment très, c'est très différent. En effet, et c'est peut-être un petit peu plus violent que certaines fédérations qu'on puisse connaître, si on met de côté bien sûr la CZW, ça c'est autre chose, mais c'est un peu plus violent, avec un peu plus de sang, plus souvent, on va dire. Oui, pour du catch mainstream, c'est plus violent effectivement que ce qui se fait ailleurs. Oui. C'est ça. D'ailleurs, y a-t-il une école pour apprendre à commenter et pour devenir commentateur, ou est-ce de la complète autodidactie, ou est-ce quelque chose qui est possible en complément d'autres choses? Alors, il n'y a pas d'école, à ma connaissance. Je pense que tous les gens qui ont commenté du catch l'ont fait après avoir, quand ils ont découvert le catch. Je sais que Norbert aussi a découvert le catch. Il y a des grands noms comme Édouard Carpentier, Raymond Rougeau. Pour les plus jeunes d'entre nous, ça sera plutôt Christophe Ajus et Philippe Ferraud. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que la WWE qui était diffusée en France. Donc c'est des commentateurs de la WWE que je viens de citer. Ce sont des gens qui ont eu un impact certain pour chaque tranche générationnelle. Donc je pense que pour Norbert, c'était ça. Quand il était enfant et qu'il a regardé le catch, il se mettait devant sa glace et puis il avait ses petites figurines et puis il commentait ses propres shows. Voilà, donc il s'est fait tout seul comme ça. Et je crois que c'est à peu près, c'est un peu la même chose pour les autres animateurs que je connais. Ok, d'accord. Donc nous l'avons un petit peu dit tout à l'heure, enfin tu l'as plutôt un petit peu dit tout à l'heure, ça fait maintenant plusieurs années du coup que Norbert Feuillant et toi travaillez ensemble. Donc comment vous êtes-vous rencontrés au tout départ? Alors au début, alors ça va vous faire sourire, mon cher Chris, enfin ça va te faire sourire puisqu'on s'est tutoyé depuis le début. Je donnais un coup de main à l'organisation de catch concurrente à All Elite Wrestling. All Elite Wrestling n'existait pas à l'époque, qui cherchait à se développer un peu plus en Belgique. Donc j'avais réussi à les faire entrer en contact avec la chaîne RTL Belgique, qui est une grande chaîne en Belgique évidemment. RTL 9 aussi, il était en France. Je devais choisir des commentateurs et j'avais une petite liste dans laquelle figurait tout en haut Norbert, parce que j'avais beaucoup aimé son travail à Dragon Gate. Alors je dois aussi la citer, il figurait également Artemis, qui est maintenant devenue une arbitre respectée à NXT du côté de WWE. Oula, j'ai mis un W de trop, je crois. Oui. J'ai du mal à parler de la concurrence. Enfin, donc voilà, je voulais les faire commenter tous les deux. Alors ça s'est pas fait. Et puis pour des raisons budgétaires, par la suite, ça a été compliqué d'intégrer Artemis. C'est plus pour des raisons budgétaires que moi, je suis devenu commentateur, parce que on pouvait pas. C'est difficile pour les chaînes, elles peuvent pas mettre un budget énorme non plus entre les droits et les commentateurs pour du catch en France. En tout cas, hein, ça n'a pas le même impact que ça peut avoir dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, qui est très, qui est une vraie terre de catch en Europe. C'est pas vraiment le cas de la France, donc les chaînes françaises sont un peu parfois réticentes, mais quand elles sautent le pas, elles sont contentes, hein, puisque on peut le dire de notre côté, du côté de Toonami, pour l'instant tout se passe très bien et donc on est ravis de voir les audiences qui fonctionnent extrêmement bien. Donc on est très content de ça et on espère que ça va amener pas que nous, hein, pour le catch en entier, parce que plus il y a du catch, mieux c'est pour tout le monde. Donc on espère que ça va inciter d'autres chaînes à peut-être chercher d'autres programmes de catch. Donc oui, donc ça a commencé commencé comme ça. Avec Norbert, ça a été une occasion ratée où je voulais le faire commenter avec Artemis. Et puis par la suite, quand j'ai continué à essayer de mettre du catch sur les chaînes françaises et que j'ai réussi sur la chaîne L'Équipe, qui à l'époque s'appelait encore L'Équipe 21, j'ai tout de suite pensé à lui pour qu'on commente ensemble Ring of Honor. D'accord. Oui, il me semble même que, même si vous, tu n'as pas réussi à intégrer Artemis, vous avez quand même, avec Norbert, commenté un show avec Artemis, un show hebdomadaire de Dynamite. C'est ça, on a réussi à le faire une fois. Alors c'était aussi compliqué techniquement, c'est pour ça que ça n'a pas été refait très souvent. On a réussi à commenter un show à trois avec Artemis, donc on est content puisque c'était, c'était le projet de départ il y a de si nombreuses années, hein. C'était bien avant 2015 parce qu'on se parlait depuis bien avant, je pense que c'était 2013 l'histoire avec la Belgique qui s'est malheureusement pas faite. Et donc on a quand même, il y a quand même cette émission qui existe où on a pu commenter, oui, tous les trois ensemble. Et on peut aussi saluer Sturi qui avait remplacé un jour Norbert qui ne pouvait pas venir, Sturi Kane qui est donc la chaîne C'est ça le catch que tu dois connaître. Également. Sur YouTube, oui, en effet. Donc, toi, personnellement, depuis combien de temps es-tu fan de catch? Car, évidemment, pour être commentateur d'un sport, que ce soit catch ou autre, il faut en être fan. Donc, suivais-tu le catch à l'époque? Par exemple, l'époque de Bret Hart, Hulk Hogan, Randy Savage, notre représentant français André Le Géant, etc. à la World Wrestling Federation, ou WWF, World Wrestling Entertainment, ou WWE. Ouais, ça s'appelait encore WWF à l'époque. Alors, je te reprends juste un peu, c'est pas pour taper sur les chaînes françaises, mais on a déjà vu des chaînes françaises qui ont mis du catch à l'antenne avec des gens qui n'aimaient pas le catch et qui n'y connaissaient rien. D'accord. Et qui le commentaient. Voilà, ça peut arriver justement parce qu'elles n'avaient pas une très grande estime pour le programme, donc elles essayaient de trouver des personnalités extérieures qui sont très compétentes, mais qui n'y connaissaient pas forcément grand-chose en catch. Ça s'est fait, ça ne se fait plus, heureusement. On a vu là l'équipe que là, récemment la chaîne L'Équipe a quand même pris Christophe Ajus et comment s'appelle-t-il de nouveau notre ami, j'ai oublié son nom, c'est Florent Gazan, pardon. Ouais. Voilà, Florent Gazan qui lui-même était fan de catch depuis enfant, tu vois, donc ils ont pas pris quelqu'un qui ne s'y connaissait pas pour accompagner Christophe Ajus, donc ça c'est une bonne chose, les chaînes évoluent dans le bon sens, elles écoutent. Et du coup je me suis perdu, c'était ta question était. En fait je te demandais si du coup depuis combien de temps tu suivais le catch et si tu suivais le catch à l'époque des Bret Hart, Hulk Hogan, tout ça. Exactement, oui, je suis le catch depuis tout petit. Alors Norbert se souvient exactement de l'âge qu'il avait, moi non. Je dois avouer, je me souviens évidemment de tous ces noms, je me souviens de Hulk Hogan, de Randy Savage, donc c'était la WWF à l'époque, mais s'ils ont changé de nom depuis, c'est WWE, ça s'appelait la WWF, et j'étais extrêmement fan de Shawn Michaels, voilà, qui a été mon premier gros flash, et ce qui m'a fait aimer le catch, et effectivement il y avait une grande rivalité enfin je l'ai connu avant cette rivalité-là, il était encore par équipe à l'époque, mais ensuite il y a eu une grande rivalité avec Bret Hart qui est le catcheur favori de Norbert Fillon, ce qui fait que on se taquine souvent puisque l'un et l'autre on a donc comme catcheur favori deux catcheurs qui ont été sans doute une des rivalités les plus marquantes de l'histoire du catch. Ok. Oui, il me semble que c'était même, je crois que j'étais pas né à l'époque où je ne suivais pas encore le catch, mais que c'était entre un match entre Shawn Michaels et Bret Hart quand il y avait eu ce fameux Montreal Screwjob. Oui, totalement, oui, exactement. Ça s'est fait à ce moment-là. Effectivement, Bret Hart devait quitter la WWF pour la WCW, qui est vraiment... Alors, par contre, donc j'ai découvert le catch avec la WWF et Shawn Michaels. Enfin, pas que Shawn Michaels, mais qui était mon catcheur favori. Et par contre, un peu plus tard, quand j'étais ado, j'ai découvert la WCW, qui est vraiment ce qui m'a gardé dans le catch et qui m'a fait être un fan de catch pour toujours, parce que c'est vraiment une organisation que j'aimais beaucoup et où j'ai découvert des gens comme Rey Mysterio, Ultimo Dragon, voilà, Chris Benoit, enfin plein de gens qui étaient qui apportaient une dimension différente et ça semblait plus vrai, si tu veux. C'est pas un beau mot, c'est pas un mot qu'il faut employer, ça semblait plus authentique et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à l'époque, voilà. D'ailleurs, Rey Mysterio, qui est, vu qu'on parle des catcheurs préférés, qui est personnellement mon catcheur préféré depuis 2009, depuis que je suis le catch, c'est Rey Mysterio, la véritable mon idole, on va dire. Tu pourrais avoir plus mauvais goût, c'est bien, c'est pas un mauvais choix. Merci. Donc, comme je l'ai annoncé en introduction, on va faire un petit rappel. Tu es une moitié des commentateurs d'une des deux plus grandes fédérations de catch américains au monde, donc la All Elite Wrestling, l'autre moitié étant Norbert Feuillant. Mais, je le disais également, tu n'es pas que commentateur. et nous allons un petit peu développer tout ça juste après la prochaine fréquence que nous allons écouter tout de suite. Une musique que tu as choisie également, et c'est The Clash avec leur titre de 1977 intitulé Complete Control. Est-ce que ça te va qu'on écoute ça? Ah, parfait. Alors, on s'écoute The Clash, on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc, à tout de suite. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio. Il est 14h32. Vous venez d'écouter The Clash, plutôt cette fois orienté avec leur titre plutôt punk, on va dire, leur titre Complete Control. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Alain Mistrangelo qui est là pour nous parler, entre autres, de son métier de commentateur de catch. Ça va toujours ? Ah, toujours très bien, toujours très bien. Toujours un plaisir de te parler. Ah bah, pareillement, pareillement. Du coup, hein, bien sûr, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices passent un bon moment en notre compagnie, car nous sommes ici pour les détendre malgré ce mélange un petit peu de grisaille, de pluie et de neige, en tout cas dans les Vosges. Toi, je sais que c'est du côté de l'Alsace. Est-ce que le temps est aussi moche que chez nous ? Écoute, il est un peu moins bien que ces derniers temps. Ça a l'air quand même d'être moins pire que ce que tu me dis. Voilà, en ce moment, il pleut pas. Il y a quand même un petit soleil. Enfin non, il n'y a pas de soleil, mais le ciel est quand même assez bleu. Mais c'est vrai qu'il fait pas très beau. Non, pour rassurer tout le monde, il fait pas beau. Je sais que ça fera plaisir peut-être à certains de vos auditeurs. Rassurez-vous, il fait pas beau en Alsace non plus. Voilà. Nickel. Donc Alain, même question que pour la première fréquence. Pourquoi avoir choisi cette chanson du groupe The Clash ? Alors là, on est totalement en dehors du catch, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste mes goûts personnels, parce que le Clash, pour le dire correctement, ou les Clash, pour pas faire son snob, c'est le groupe un peu charnière pour moi. C'est quand j'ai découvert ça, je pense que j'ai vraiment compris voilà, ce qui était de la bonne musique ou de la mauvaise, selon mes goûts personnels, évidemment. Avant, j'écoutais pas forcément des trucs extraordinaires, et ça a été un vrai cataclysme dans ma tête quand j'ai entendu les Clash pour la première fois. Donc ce morceau en particulier était un morceau dont j'étais très fan et que j'ai usé, écouté, réécouté, que je me lasse pas d'écouter autant de fois que possible. Voilà. Ok, nickel. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale et annoncé en introduction, tu n'es pas que commentateur de catch, tu es également titulaire, on le disait, d'un doctorat en sociologie, doctorat que tu as obtenu, si je me suis bien renseigné, à l'université Marc Bloch, ou Bloch, de Strasbourg, je ne sais pas comment... C'est ça, l'université Marc Bloch de Strasbourg, oui. Voilà. Car, si j'avais marqué, nous ne l'avons pas forcément dit, mais nous sommes presque voisins, tu es de Strasbourg, moi je suis des Vosges, c'est pas si loin, mais si on l'a dit il y a quelques minutes. Donc... Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la sociologie, peut-être peux-tu expliquer, car cela peut peut-être paraître un petit peu abstrait pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors la sociologie, c'est un peu l'étude, ça peut être l'étude de comportement humain en groupe, des rapports sociaux, c'est l'analyse un peu de la société, voilà. D'accord. Donc, il peut y avoir beaucoup de branches dans la sociologie, tu vois. Il peut y avoir la sociologie des villes qui va essayer de voir un peu comment fonctionnent les villes et qui peut être important quand il y a des plans d'urbanisme et avec la mairie, etc., qui peuvent s'appuyer sur des sociologues. Voilà, il y a un peu une sociologie peut vraiment aller dans tous les domaines. Voilà, il y a des enquêtes qualitatives donc qui vont plus se concentrer sur les rapports humains, des enquêtes quantitatives, là ça va être un peu plus en masse, donc un peu comme la micro et la macroéconomie, si tu veux, pour les gens qui connaissent un peu mieux l'économie que la sociologie. Donc voilà, c'est il y a beaucoup de champs de recherche, et voilà, c'est très intéressant. Moi je m'étais plutôt consacré aux médias. Donc ma thèse c'était sur les nouveaux médias à l'époque, donc c'est là où on voit que j'ai quand même un peu, c'était il y a longtemps, parce que les nouveaux médias c'était les blogs à l'époque, ah oui, où j'ai fait ma thèse, donc voilà, donc moi j'étais plus concentré sur la sociologie des médias. D'accord, donc justement en faisant mes recherches, j'ai vu que tu es devenu doctorant en 2008, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, donc justement pourquoi avoir pris la décision de ne pas poursuivre dans la voie de la sociologie, mais de te tourner plutôt vers le métier de commentateur et d'agent? Mais nous parlerons de ton métier d'agent un peu plus tard, bien que tu sois du coup docteur en sociologie. Ah bah écoute, en fait c'est un processus qui a commencé avant que je finisse ma thèse. J'étais totalement à un moment donné, parce que quand tu fais ta thèse, tu peux, généralement tu travailles en même temps, parce que t'as pas de cours pendant que tu fais ta thèse. Donc moi c'est des années que j'avais mis en pratique pour travailler un petit peu dans le monde musical, qui était une de mes passions. Voilà. Donc j'ai pu manager des groupes de musique, bon rien de très très connu, mais qui m'a permis quand même de travailler avec des groupes italiens, des groupes japonais déjà à l'époque, des groupes français aussi, des groupes finnois en Finlande. Enfin voilà, ça m'a permis de m'ouvrir à un monde un peu différent. Et je t'avoue que plus je m'ouvrais un petit peu à ce monde-là, moins je me voyais être dans un carcan avec des obligations. Voilà, j'avais peut-être ce besoin de liberté qui s'est fait un peu sentir en moi. Je me voyais pas vraiment être dans des obligations d'horaire, dans des obligations. Voilà, tout ça s'est mélangé dans ma tête et je me suis dit, je suis pas certain de vouloir faire ça. Et du coup, en entrant dans ce monde musical, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans des grosses agences de talent américaines, qui m'ont demandé peut-être de les aider à vendre quelques programmes par-ci, par-là, ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, je suis rentré à fond là-dedans, dans la vente de programmes. Et j'ai totalement arrêté de vouloir me penser une carrière universitaire. D'accord, ok. Donc oui, c'était vraiment un choix volontaire de te tourner vers le commentateur. Oui, c'est ça. Enfin, au début, c'était pas les commentaires, c'était vraiment de vendre des programmes, parce que c'était plus ça. Moi, j'étais, voilà, faut savoir que c'est peut-être dur à croire, puisqu'en plus, Norbert étant le, entre guillemets, le le gentil du duo, hein, quand on commente le catch, et moi le méchant qui parle peut-être un peu fort et un peu mal de certaines personnes et de certains catcheurs. Oui. Mais enfin, j'étais très très timide, je me voyais pas du tout commenter quoi que ce soit à l'époque, encore. Parce que même à cette époque-là, j'étais extrêmement timide. Mais ce travail m'a permis aussi de me libérer de ça, d'être un peu plus à l'aise pour parler. Mais je me voyais pas commenter non plus. Donc faire le relais entre des programmes et des chaînes de télé, ça m'allait très bien. Déjà, ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort et de ne plus être timide, mais je m'imaginais pas commenter. Comme je t'ai dit, vraiment, le commenter, ça a été des circonstances économiques. Je suis ravi de le faire, hein. J'étais très content à l'époque de le faire, même si j'étais terrorisé pour nos premières émissions avec Norbert, il doit s'en souvenir. Et depuis on continue, parce que notre duo fonctionne plutôt bien, je pense. Et puis moi aussi, ça m'a permis voilà, maintenant je suis vraiment à fond aussi dans le commentaire, et ça me plaît beaucoup. Donc je compte pas revenir en arrière, mais c'était pas un choix. C'est quelque chose qui m'aurait plutôt fait peur au départ. D'accord. Oui, donc pour en revenir à ce que tu as dit un petit peu plus tôt, parler mal de certains catcheurs, je te propose qu'on fasse un petit coucou à Marco Stunt. Je vois où tu veux en venir. Ouais. Alors Marco Stunt, c'est un catcheur d'AEW, ouais, voilà. qui est pas très grand, hein, ouais. qui arrive même à être plus petit que Norbert Feignant, mon co-animateur, qui lui-même n'est déjà pas très grand. Et c'est vrai que je m'acharne un peu sur lui dans l'émission, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Même que des fois, tu l'appelles enfant. Il me semble que tu dis que c'est un enfant. Oui, ça m'est arrivé. Mais je crois que même Norbert l'a dit. Hein, mais lui, pour le protéger un petit peu. Par contre, si vous avez l'occasion de regarder AEW sur Toonami les mardis à 20h50 et que Marco Stunt est là, restez, parce que Norbert Feignant, quand il fait la voix de Marco Stunt, c'est quand même un moment formidable qui, je pense, fera rire beaucoup de monde. Et voilà, c'est un moment à ne pas rater. C'est vrai, Marco Stunt, c'est facilement reconnaissable. Tout petit, les cheveux longs bouclés, souvent une casquette à l'envers, et puis voilà. C'est ça. Et puis, il court un peu partout. Il est très. Voilà. Et puis, vous m'entendrez dire du mal de lui, donc vous le reconnaîtrez assez vite. D'ailleurs, dans les émissions hebdomadaires de AEW Dynamite, ton collègue, du coup Norbert, t'appelle docteur Alain Mitrangelo, en parallèle avec le docteur Britt Baker, qui est, pour nos auditrices et auditeurs, une des catcheuses de la All Elite Wrestling. Donc je suppose que ce surnom de docteur, c'est même presque sûr, je pense, est en rapport avec ton doctorat en sociologie. Mais comment ce surnom est-il venu dans vos émissions? Est-il venu comme ça, entre guillemets, naturellement? Alors c'est... Non. En fait, c'est une anecdote. C'est bien que tu poses cette question. Donc on a travaillé récemment, on a changé un petit peu de technicien, et le technicien, l'ingénieur du son qui travaille maintenant avec moi est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qui lui savait que j'avais un doctorat. Norbert ne le savait pas, parce que c'est pas quelque chose, voilà, quand je rencontre les gens, je dis pas bonjour Alain Mitrangelo, doctorat en sociologie, tu vois, pas quelque chose dont je parle très souvent. Et donc dans une discussion, c'est sorti. Donc cet ingénieur du son en a parlé devant Norbert et a parlé de mon doctorat. Parce qu'il est, c'est voilà, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et Norbert a dit, ah bon, t'as un doctorat? Enfin voilà, il était surpris et il s'est dit que ce serait, voilà, il m'en a pas parlé avant d'ailleurs, mais à l'antenne, dans l'émission qu'on allait faire par la suite, il a commencé par m'appeler docteur. Voilà. Et depuis, c'est resté du coup. Quel formidable, hein, t'as vu ce sens de, quand même, du timing de Norbert Feignant, quand même, qui est fort. Ah oui, il est doué. Donc, avant de parler de ton autre métier, cette fois en rapport avec ton collègue Norbert Feignant, je te propose que nous nous lancions dans une nouvelle fréquence que tu as choisie, toujours, car je le rappelle, s'il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent, dans Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales afin que l'émission leur corresponde le plus possible, je ne sais plus parler. Donc du coup, nous allons écouter le titre « Are You Ready ?» Musique d'entrée de la célèbre équipe chez WWF D-Generation X, dans laquelle était d'ailleurs ton catcheur préféré, Shawn Michaels. C'est ça. Donc voilà, cette chanson qui me procure également des frissons quand je l'entends. Donc on s'écoute du coup Are You Ready, et on se retrouve juste après, d'ici 3 minutes à peu près. Donc à tout de suite. Are you ready? Hey, think you can tell us what to do? You can tell us what to wear. You think that you're better? Well, you better get ready. Bow to the masters. Degenerate into something, fool. We just got tired of doing what you told us to do. can tell me what to do. You know who you're talking to. Well, you better get used to the way the ball bounces. I see what you got, it measures in ounces. But that's a breeze, boy. Yeah, that's a breeze, little man. You're a big man. Treat you like you're a little man. Yeah. Break it down. Yo, tell me what it's like to be half a man. It must break your heart to see what I am. But that's a breaks, boy. Yeah. That's a breaks, little man. Break it down. Think you can tell me what to do? You know who you're talking to? Just stop wanting me to be someone else. Put it away like a book on a shelf that you can't read, boy. Yeah, that you can't read, little man. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter le thème d'entrée de l'équipe de catch D-Generation X, Are You Ready? Vous êtes toujours en direct sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Il va être 14h46, nous sommes toujours en compagnie de Alain Mistrangelo, commentateur, entre autres, d'une des deux plus grandes fédérations de catch américain au monde, ça j'aime bien le dire, la All Elite Wrestling. Ça va toujours ? Toujours très bien, écoute, toujours très bien. Non, c'est sympa d'entendre ce morceau, donc tu sais pourquoi je l'ai choisi, hein, puisque Shawn Michaels, évidemment, qui était mon catcheur favori, celui qui m'a fait aimer le catch. Et c'est aussi un moyen de montrer que le catch, c'est un package qui est très important. Il y a la musique d'entrée, il y a le charisme du catcheur, il y a ce qu'il fait dans le ring. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte aussi, sa faculté d'être bon avec un micro et de quand il parle et quand il fait, donc quand il développe les histoires et les storylines. Donc tout ça est très important. Et c'est vrai que les musiques sont hyper importantes dans le catch. Et c'est une musique, je crois, assez mythique. Et c'est vrai qu'on a de la chance à EW de voir un vrai travail aussi sur les musiques. Et que c'est tous les catcheurs pour moi ont vraiment de très très bonnes musiques d'entrée à EW. Donc c'était pour mettre aussi ce point-là en avant parce que le catch c'est un spectacle complet comme le pain, hein, dirait Norbert Feuillon. Eh oui. C'est un élément important aussi de toute la dramaturgie autour du catch. D'accord. Oui, d'ailleurs, à All Elite, moi j'ai aussi personnellement, comme tout le monde qui connaît All Elite, je pense, mes petites chansons d'entrée, mes petites musiques d'entrée préférées. Allez, dis-nous. Allez, du coup, il y a donc bien sûr Judas de Fozzy. Et j'aime aussi beaucoup la chanson I Fell, donc de Darby Allin du groupe Wicca Faith Prince Eternal, je crois. Et également la musique d'entrée de Lance Archer, Everybody Dies. Voilà. Et par contre, je sais plus c'est qui chante. Mais voilà. De bons choix. Écoute, c'est de très bons choix. Ah, si les gens y vont sur Internet et qu'ils cherchent musique d'entrée de Lance Archer, ils vont trouver. Ah oui. Voilà. Un très bon choix, écoute. Non, mais c'est vrai, je pense qu'on a beaucoup de chance, c'est un élément important, et c'est vrai qu'à EW, je crois qu'ils travaillent vraiment, ils travaillent assez dur sur ça, c'est un travail assez méticuleux qui est fait, et ils mettent pas ça de côté en se disant on prend n'importe quoi comme musique d'entrée, donc je trouve, j'aime bien ça. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, pour redire quelques mots sur D-Generation X, ou D-Generation X, qui était d'ailleurs, on va parler un petit peu des membres qu'il y avait dans cette équipe, donc il y a eu déjà plusieurs versions de l'équipe. Mais sinon, les membres les plus importants, entre guillemets, il y avait Triple H, donc Triple H, qui occupe maintenant un poste de renom chez WWE, WWF. Il y avait également Shawn Michaels, bien sûr, qui est désormais entraîneur, il me semble, pour la branche jaune de la WWE, tout simplement, branche jaune NXT. Il y avait aussi la légende X-Pac, et il y avait Billy Gunn, qui est désormais chez AEW avec ses deux fils, Austin Gunn et Colton, c'est ça ? C'est ça. Et je sais pas si tu l'as vu récemment quand il est apparu, mais il a toujours un physique assez impressionnant, hein, malgré son âge. Il est resté en forme. C'est vrai. Et puis il y avait également Road Dogg, Jesse James, et il y avait également aussi dans une des versions la regrettée China, et je crois que j'ai cité tous les noms les plus importants. Oui, tu as cité les noms les plus importants, effectivement. Ouais, c'était une belle équipe. Hein. C'est vrai, ouais, j'aimais bien à l'époque, quand j'ai commencé à regarder le catch en 2009, et je crois que l'équipe existait encore, il me semble. Donc voilà. Je crois bien. Donc intéressons-nous maintenant à un autre de tes métiers. Tu es également agent, mais pas de n'importe qui. Tu es l'agent de ton collègue commentateur, Tonton, comme sur son nom, donc Norbert Feuillant. En quoi, du coup, est-ce que ça consiste, ce métier d'agent de Norbert Feuillant, du coup ? Alors, en quoi ça consiste ? C'est Norbert a beaucoup de talent, mais il a aussi un emploi du temps assez surchargé. Et puis, la façon dont il commente, il fait le play-by-play, ce qu'on appelle le play-by-play, c'est-à-dire c'est le commentateur qui va décrire ce qui se passe dans le ring. D'accord. Dans notre duo. Donc ça demande beaucoup d'énergie, et je crois que ça se voit et ça s'entend à l'antenne, donc il fait ça très bien. Et c'est quelque chose qui est assez fatigant, on se rend pas compte à quel point c'est beaucoup de travail, à quel point il faut qu'il fasse attention parfois à sa voix, etc. C'est un vrai travail d'interprète, comme un chanteur doit faire attention à sa voix. Le commentateur de catch, c'est un peu pareil, surtout les commentateurs comme lui qui décrivent l'action et qui le font très bien. Donc voilà, il a beaucoup, bon, évidemment avec la crise sanitaire c'est un peu différent, il avait aussi d'autres activités à côté, donc il n'a pas forcément le temps de gérer totalement sa carrière, donc je lui donnais un coup de main amical là-dedans pour essayer de lui faire commenter non seulement du catch, mais peut-être d'autres choses. On essaie aussi de se diversifier un petit peu. Peut-être on vous réservera quelques surprises dans l'avenir, on l'espère, on travaille pour ça en tout cas, et donc je pense qu'il peut commenter aussi d'autres choses, donc j'ai essayé un peu de l'aider dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il dit souvent que je suis son agent. D'accord. Et oui, mais je lui prends pas assez d'argent, néanmoins, trouve. Voilà, c'est un petit message personnel si jamais il nous écoute. Je trouve que je suis un agent très sympathique, un peu trop. D'accord. Et tu es également aussi, il me semble, producteur de l'émission AEW Dynamite. Oui, de l'AVF. C'est oui, de l'AVF, voilà. Si tu dis à AEW que je produis Dynamite, ils vont pas être contents. Oui, l'AVF. Donc, d'ailleurs, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais on peut peut-être le répéter ou alors approfondir la réponse. Comment es-tu devenu l'agent de Norbert ? Est-ce lui, au départ, qui est venu te chercher ou est-ce toi qui l'as démarché ? Bah, écoute, non, c'est ce que je te disais par rapport à l'histoire. En Belgique, on cherchait des commentateurs. Moi, je cherchais en tout cas pour produire l'AVF. Comme tu viens bien de le dire, je suis producteur aussi. Donc pour produire la VF, je cherchais un animateur. C'est lui que je voulais, après avoir analysé quand même un petit peu tout ce qui était possible. Je l'ai contacté, on s'est bien entendu assez rapidement. Et c'est quand j'ai découvert sa personnalité, ses multiples talents, que c'est venu comme ça, tu vois. C'est lui qui aime bien dire que je suis son agent et qui donc m'a demandé un petit peu de l'aider dans les domaines où lui il aurait peut-être pas la patience de parler aux chaînes de télé, si tu veux, et de se mettre en avant. C'est pas quelque chose qu'il saurait faire, parce que c'est compliqué, il faut avoir beaucoup de patience, parfois il faut attendre longtemps, et je pense pas que ça rentre vraiment dans ce que veut faire Norbert. Voilà. D'accord. Donc il est 14h52. Ce que je te propose avant de conclure cette émission, c'est de nous lancer dans une dernière fréquence que tu as choisie une nouvelle fois et que nous écoutions Frankie Valli et The Four Seasons et leur titre datant de 1964, intitulé Ragdoll et issu de l'album Ragdoll, justement, que l'on peut traduire, si je me souviens de mes cours d'anglais, par poupée de chiffon. Donc voilà, est-ce que ça te va qu'on écoute ça ? Ça me va très bien. Parfait. Alors on s'écoute ça et puis on se retrouve juste après pour la conclusion de l'émission. Ragdoll de Frankie Valli et The Four Seasons sur Radio Gamozo. Vous êtes toujours, vous êtes de retour et vous êtes toujours en direct et vous nous écoutez toujours sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Et bien sûr, comme depuis bientôt une heure, nous sommes toujours en compagnie, évidemment, du docteur Alain Mistrangelo, commentateur français de catch, d'une des deux plus grandes fédérations de catch américain au monde. C'est important de le préciser. Ça va toujours ? Toujours très bien, écoute. Parfait. Donc, avant de conclure, j'ai plutôt terminé mes questions, mais je voulais soulever un petit point. Donc, j'aurais aimé aborder, du coup, comme je disais, un petit point qui m'amuse plutôt lors des enregistrements de AEW en français sur Toonami. Tu l'as entendu un petit peu parler, le parallèle entre Norbert et toi. Toi, tu es plutôt du côté des heels, des méchants, et Norbert est plutôt du côté des face, des gentils. Je pense, du coup, comme on le disait, que ce n'est plus un secret de nos jours. Le catch est scénarisé, les comportements des catcheurs et catcheuses également, leur prise de parole également. Et donc, Norbert et toi, vous prenez au jeu dans les commentaires. Donc, ma question est toute simple. Pourquoi ? Ah, pourquoi lui, c'est le gentil et moi, c'est le méchant, alors que dans la vraie vie, c'est plutôt l'inverse. C'est ça, ta question ? Vas-y, c'est ça. Alors, écoute, je pense que pour défendre les face, les gentils, c'est très compliqué. Il faut avoir plus de bouteilles. Norbert a plus de bouteilles que moi en tant que commentateur. Et l'animateur qui fait le play-by-play, c'est-à-dire celui qui raconte exactement ce qui se passe à l'écran, a plutôt tendance à être forcément du côté des face ou des gentils, comme on dit. Mm-hmm. Par contre, on essaie toujours de pas être chacun caricatural et de rester, de pas en faire trop, de reconnaître quand même le talent des catcheurs, qu'ils soient gentils ou méchants. Et on remarquera aussi que Norbert est un face agressif, c'est-à-dire qu'il défend de façon très véhémente les catcheurs, quitte à lui-même user de la mauvaise foi. Et voilà, c'est ce que j'aime bien dans son travail, parce que c'est très compliqué d'avoir de la personnalité en étant face. C'est très compliqué, donc il fait ça très bien. C'est plus facile de défendre les méchants, hein. Tu peux te lâcher, moi ça me permet de me lâcher, c'est assez jubilatoire pour moi. Et donc on essaie quand même, sur AEW on se lâche un peu plus, c'est vrai que sur d'autres organisations on le fait un peu moins parce que c'est pas fait exactement de la même manière, mais on essaie toujours de mettre en avant le fait qu'on voit, et tu pourras je pense confirmer puisque tu regardes assez souvent, le fait qu'on voit des matchs assez exceptionnel et que la qualité dans le ring est vraiment assez, je pense, largement supérieure à ce qu'on peut voir ailleurs. On a souvent des matchs assez fous et pour ça il faut quand même savoir mettre en avant tous les catcheurs, que ce soit les gentils ou les méchants, parce qu'ils sont tous, prennent beaucoup de risques et mettent leur santé en jeu, et tous nous font quand même des matchs assez remarquables. Donc on essaie d'être bien exhaustif pour mettre tout le monde en avant. Donc lui en met certains en avant, moi d'autres, tout en essayant de pas être trop caricaturaux non plus. Voilà. C'est ça. Et donc un point que je tenais, comme on en a parlé hier, à vraiment souligner, c'est pourquoi il est inutile, d'insulter au premier degré les catcheurs et les catcheuses, et pourtant j'en vois qu'ils le font encore, alors qu'en réalité il s'agit simplement de booking, comme on dit dans le monde du catch, qu'on pourrait traduire ici par gérer les histoires proposées lors des spectacles de catch. Quand j'en vois ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux, ça m'énerve. C'est vrai qu'on va pas aller insulter un acteur qui joue le rôle d'un méchant après l'avoir vu dans un film, quoi. Ah, c'est ça. Ça paraît très idiot. Donc c'est aussi idiot d'aller insulter un catcheur. De toute façon, c'est idiot d'aller insulter n'importe qui. C'est vrai. Si vous aimez pas quelque chose, vous regardez pas, vous zappez, mais vous allez pas insulter la personne, c'est idiot. C'est vrai. Du coup, voilà, il va être 15h, donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Alain, d'avoir accepté mon invitation. Ah ben, merci beaucoup à toi, surtout de m'avoir invité, ça fait un plaisir. D'ailleurs, ne quitte pas, je te reprends au téléphone juste après hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Johan Pienoël, artiste, et toujours lundi à 8h et 13h30 pour une nouvelle édition de L'Acristoire des auteurs, dans laquelle nous voyagerons au travers de la vie et de l'œuvre du célèbre écrivain Marc Lévy. En attendant, je vous laisse avec la rediffusion de Les Oreilles du Monde, un autre des programmes proposés par Radio Gamozo, à 15h, donc là, juste après cette émission, et avant les Good News de l'IA à 17h30, et avant la rediffusion à 18h de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Guillaume Hans, qui était venu nous parler de l'association AMI et du partenariat qui existe entre l'association AMI et la librairie de livres d'occasion Recyclivre de Strasbourg. Donc merci de votre fidélité à Radio Gamozo, et je vous dis à lundi. Donc salut, et à lundi, je cherche mon générique, et on peut y aller, donc à lundi, et voilà.